بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 33 بعد 100، ستقدم حديث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو وابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين ووقائم يفصل بينهما بجلوس. Donc selon Abdullah ibn Omar, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait de l'ordre de cette khutbah de Jumu'ah, il l'a divisé en deux. Ce qui fait qu'il y avait deux khutbahs. D'accord ? Et il interrompait il divisait ces deux khutbahs en interrompant par une pause assise. Entre ces deux khutbahs-là, il les coupait en s'asseyant un instant. Non. Donc là, dans mon livre, j'ai une erreur, je crois, car Cheikh Al-Othaymin dit que le rapporteur, c'est Jabir ibn Samura, alors que c'est Abdullah ibn Omar. Donc, par rapport à ça, ça doit être sûrement une erreur d'impression. Wallahu ta'ala alam. Ou plutôt, Tayyib, dans d'autres versions, ce serait... Jabir et Samura qui ont rapporté le hadith. Donc là, l'erreur qu'il y a eu, c'est qu'ils ont mis le hadith selon Ibn Omar, mais le Shir cite l'explication selon Jabir et Samura. Donc les deux ont rapporté le hadith. Taïb. Thumma yaqul mawdu' al-hadith, le sujet du hadith, bayyana 'adad al-khutba yawm al-jumu'ati wa hay'at al-khatib hayna idhin, qui vient pour montrer le nombre de khutbah qu'il y a le jour du Jumu'ah et de quelle façon se tient l'imam à ce moment-là. Yaqulu fi sharh al-ijmali, explication globale du hadith. Salat al-Jumu'ah mujamma'un kabirun shamilun li ahli al-balad kullihim fa kana min al-hikmati an yakuna fiha khutbah tuwajjihu an-nas lima fihi al-khayr wa tu'azzimuhum bi-iltizamihi wa tuhadhdhiruhum min ash-sharr wa tu'azzimuhum bil-bu'd 'anhu. Donc justement cette salat du Jumu'ah est un moment d'une grande assemblée, où que tous les gens de nous même contrées se rassemblent. Donc il fait partie de la sagesse à ce moment-là d'indiquer aux gens le bien et d'inciter les gens à s'attacher au bien, de le mettre en garde contre le mal et de faire comprendre aux gens l'importance de s'éloigner du mal. Que cela soit mis en évidence pour eux. Les choses générales. Wa fi hadha al-hadith yukhbiru Jabir ibn Samura رضي الله عنهما أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يخطبهما يوم الجمعة قائما لأنه أشد في وعظه وأشمل لصوته يفصل بينهما بجلوسه لئلا يتعب الخطيب ويمل السامع. Donc là, dans ce hadith, selon la version de Jabir ibn Samura, qui est presque la même que celle d'Ibn Omar, il dit que le Nabi صلى الله عليه وسلم faisait deux khutbah le jour de Jumu'ah, en étant debout, car a plus d'impact dans l'exhortation, et cela donne plus de force à la voix en étant debout. Et également, il justement divisait ces deux khutbahs-là, comment ? Par une pause assise, afin de ne pas se fatiguer, et également afin que l'auditeur ne se lasse pas. Afin que l'auditeur ne se lasse pas. Yaqulu min fawaid al-hadith. Mashlu'iyyati al-khutbatayn salat al-jumu'ah. Qu'il est légiféré de faire deux khutbahs pour le Yom al-Jumu'ah. Première partie, première khutbah. Deuxième partie, deuxième khutbah. Thaniyan mashru'iyyati kawn al-khatib fihima qa'ima. Qu'il est légiféré que le khatib, l'imam, les fasse en étant debout. Et si jamais il a un besoin d'être assis, il peut le faire assis. Donc quelqu'un qui soit malade, qui soit fatigué, il est rapporté que Mu'awiyah, radiallahu anhu, par exemple, pour sa corpulence, car il était très corpulent, il avait un grand corps. Pour la fatigue que cela lui pouvait lui causer, il faisait la khutbah en étant assis sur le minbar. Thalithan mashru'iyatil julus, qu'il est permis de s'asseoir. À quel moment la sunnah de s'asseoir entre les deux khutbahs? Un instant. Et à ce moment-là même, il est permis de parler, ou il est permis à l'imam de pouvoir boire, ainsi de suite. Par exemple, si la première khutbah l'a assoiffé, l'a déshydraté, à ce moment-là, il s'assoit, il boit un instant. Si jamais il a transpiré, il s'essuie un peu la sueur, ainsi de suite. Et après, il se relève et il reprend la deuxième khutbah. Naam, hadha huwa alladhi huwa min as-sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.